Ouais, ouais. Nenou, nenou, nenou, ça. Clic d'or, oh. 835, place une centre. Je suis qu'un franco, mini bico. J'suis pas comme toi, mini mito. Trop de phase, donc je les minimise, gros. Pas de thune, j'veux un milli, gros. Dans le rap, j'suis précis comme Milito. Derrière, tu parles sur des minimum. Minimum, là j'suis au top de ma forme. Et d'une punch, t'informe. J't'assomme, premier verre de sommation. Au deuxième, faut faire attention, sinon c'est direct expulsion. T'as des pulsions, tu pulfions, tu sens le son. Mec, ton de facettes, c'est le street à acheter. Raherty, nenou, ça venu te lyncher du 835. On va te marquer de mes cordes vocales. J'suis armé dans le game, t'es très attardé. Moi j'suis très efficace, bande de tasses. Pour vous, ben y'a pas de place. Comme Dexter, j't'extermine sans laisser de trace. Flow, elle est élégant. J'ai trop la classe, j'viens faire ton éducation. La sphère nani mani. J'rappe puissant, j'fais des dégâts, mais t'es hors. J'ai les coupes, les bouilles en magma. Quand j'kick, tu te coupes les couilles, Macman. J'rappe, tu te parles pas comme si tu parlais à papa. La scène que des francs tireurs, pam pam. J'perce pas, ha ha, détrompe-toi, baba. Big aiguisé, tel un barbare. Tu fais le fou, barba. Rafale des punchlines par balle. À l'école, tu passes pas la balle devant les buts. Passe là, ici ça tire pour un rien. Rien, nique les frères, ah rien, rien. J'ai un flow aérien, rien. Et j'vole au-dessus de tout ça. Ici ça tire, tire pour un rien. Rien, nique les frères, ah rien, rien. J'ai un flow aérien, rien. Je vole au-dessus de tout ça. Excusez mon accent anglais. Dans le gamme, je monte la gamme. Range la cam dans le gamos. Là le colos, N-E-N-O-U-S. Te tire par les tresses. Arrête de bouger, mec. Tu me stresses. Tu trémouches, te pète les fesses. Je prononce la sentence comme un juge. Fuck et toute la liste. Bon, je suis lit. Pour mon flow, je lis pour. Je brille. T'élis pas ton rap. Je lis pas. Je vais ri pas de temps en temps. Sur ris pas. Mais en ce moment, je suis. Chez moi, 83 accro du chromi. Moi c'est Yanis, pas Tommy. Dans le rap, j'donne tout, j'atomise. T'entomise sur moi, tu gagneras. C'est pas pour me la péter, mais j'suis plus petit et plus fort que j'apparcore. Tu repars entre les jambes là que achète le disque et dis que tu me connais. J'm'en fous tant que tu fais tourner comme une certaine dans les vœux. Car devant les chemises, c'est Balka et parle pas. Passe par là, puis Paris, si la scène sente, c'est de là que vient le style. Comme dit Raherty, tu vas en voir du rouge, du bleu, du vert, du noir. C'est nos vies, pas les quatre couleurs d'un lostie.